À Landon, je suis descendu de la Micheline rouge, m'attardant sur le quai tandis que le chef de gare inversait la plaque métallisée pour le retour vers la ville. Puis j'ai traversé la voie pour passer par le hall décoré des affiches jaunies qui vantaient l'air vivifiant de Saint-Malo, les longues plages de sable fin de la Baule, les hivers cléments de Menton et les pittoresques charmes de Saint-Jean-de-Luz. Je suis sorti sur le perron de la façade rouge brique de la gare. Le kiosque à journaux était fermé, depuis des années probablement, au vu de la peinture écaillée et des planches disjointes par les intempéries. À gauche se dressait un panneau de la société de transport Bernard et Fils, dont une affichette indiquait qu'un car pour Moret sur Raguse partirait à 16h20. Ce ne fut pas le car bleu au siège marron patiné. Je pris place à la fenêtre, sur le côté droit, pour voir à la sortie de Landon la maison d'Hélène. Les volets étaient repeints en vert. Le jardin s'ornait d'un chêne puissant, mais le buisson des glantiers derrière lequel nous nous étions embrassés cédait sa place à une terrasse avec un mobilier de jardin en plastique blanc. Je fixai la route, puis, fermant les yeux, comptait les virages. Droite, droite, gauche, droite, et les rouvrit au partage des eaux, à la confluence de la Guillonne et de la Raguse. L'auberge du bord des eaux était ouverte, toujours en cette saison pour les bourgeois de la ville qui y viendraient dîner en famille. Je suivis le cours nonchalant de la Raguse qui se perdait parmi les saules et le bois des pierrères, le retrouvai juste avant Saint-Aignan et l'arrêt devant l'église aux murs blancs et aux clochers récemment restaurés de plaques d'ardoise. Un ouvrier des usines de verre Jamard et Gélin descendit, ainsi que deux femmes âgées, portant un cabas d'où sortaient des têtes de poireaux, qui me firent un signe de la tête en guise de salut. On était vendredi, jour de marché à Landon. Le car repartit. J'étais le seul à me rendre à Moret. Moret sur Raguse. Je fermai les yeux. Je voyageais depuis le matin. Je m'endormis. Le chauffeur du car me réveilla. Nous étions arrivés à Moret. Je descendis d'un pas mal assuré, engourdi par le somme, et me retrouvai sur la place de la mairie. Je pris la grande rue, passant devant le café jadis tenu par la mère Pascale, puis à l'opposé exact devant Sainte-Clotilde, au portail restauré et au tympan sculpté d'aimables diablotins qui, tout jeunes encore, nous laissent entrevoir un monde infernal plus facétieux et délicieux que le strict ordonnancement du paradis évoqué par le curé. À l'angle formé par la solide bâtisse des Reboules, je tournai à droite, grimpant la côte légère qui menait au surplomb où s'étendait le cimetière. Je ne croisai personne, à cette heure pourtant de l'arrivée du car, précédant l'agitation recluse des préparatifs de repas, où toujours par les rues et les ruelles, des groupes se formaient, d'hommes rentrant du travail au champ ou de la ville, de ménagères revenues de l'épicerie et d'enfants palabrant sur les trottoirs. Je ne vis personne s'affairant dans les vastes potagers en cette saison où, jusqu'à la tombée de la nuit, chacun veillait à soigner ce qui serait plus tard la fierté de ses soins journaliers. Mort. Le village m'a paru mort de ses occupants. Je poursuivis mon chemin, passant devant la maison des Triboulet qui pointait son curieux pignon effrité, et enfin, à l'orée du bois de la Meule, la ferme des Delpus au porche massif dont quelques traces laissaient deviner l'ancienne blancheur. La lourde odeur de la forêt me saisit. Je tournai à droite vers les trois chemins de terre, et le portail surgit. La grille, maintenant rouillée, grinça sur ses gonds peu huilés, et le gravier, épars et irrégulièrement ratissé, grissa encore sous mes pas. Je la refermai, puis, me retournant, lus sur la cabane en bois au pied de laquelle étaient posés des arrosoirs désormais en plastique vert, puis relus, le règlement du cimetière, dont les articles me revenaient en mémoire d'enfant. Découvris les annonces administratives de reprise de concession. Le décret jauni apposé par la mairie stipulant que du 20 octobre au 10 novembre, le passage intertombal ne devait être encombré d'aucun objet et que toute chose emportée en cette période hors de l'enceinte ne devait l'être que sur justificatif de possession. Puis, d'un coup d'œil jeté à l'intérieur par la fenêtre, dont la vitre inférieure, cassée un jour par Éric Reboul d'un tir puissant, n'avait jamais été remplacée, je me dirigeais par l'allée centrale, bordée d'une futaie négligée, vers les tombes qui m'appelaient. Sur le banc, je m'assis, face au carré délimité par les chaînes maintenues dans un arc régulier par quatre douilles d'obus, au centre duquel émerge cette pyramide de béton brut, gravée au sommet de l'éternelle reconnaissance de la commune à ses soldats tombés au champ d'honneur. Sur le banc, je m'asseyais en novembre, au début du mois, quand, en famille, mon père et ma mère venaient rendre leur devoir de souvenir à la parenté, proche et lointaine, et que mon agitation et mon manque de conviction dans l'annonnement des prières, exaspérant ma mère, me renvoyaient loin des tombes, sur la place centrale qui voyait défiler, portant ses peaux ridicules, le village que je saluais d'un mouvement de tête muet. Sur ce banc, ennuyé par ces rites, frustré par cette fête qui nous interdisait nos jeux habituels, sur ce banc, donc, je m'assis, et, lisant ces noms qui ressurgissaient dans ma mémoire, je m'endormis. Huit heures sonnaient au bourdon de Sainte-Clotilde et m'éveillèrent sur le banc, face au monument aux morts, transi de froid. Les brumes se levaient en contrebas, montant de la Raguse, enveloppant le champ pointu. Mais le ciel étoilé à la lune pleine laissait présager une nuit claire et clémente. Je me redressai, fis quelques pas autour du carré, puis me dirigeai vers les allées latérales. Du bourg, je n'avais eu que rarement des nouvelles, puisqu'après mon départ, je n'y retournais plus, occupé à ma vie qui non seulement était ailleurs, mais surtout contre mes années passées ici. Je n'appris la mort de mes parents qu'au retour d'un long périple en Grèce, et il me semblait que l'errance qui fut mienne des mois durant, et l'accord enfin trouvé avec une part de moi, interdisait le voyage à Moret-sur-Raguse, même pour l'hommage et le recueillement filiaux. Un jour, rue Bonaparte, j'entrai dans une galerie où je découvris quelques tableaux de Christine Lespinas, dont la rage gestuelle sur fond ocre et les macabres silhouettes juste devinées, à la fois figuratives et d'une totale abstraction, évoquaient une violence qui m'était proche et dont je voulus voir les fondements dans une enfance imprégnée par un lieu commun. Un soir, une connaissance me poussa de force par les portes d'un théâtre pour y voir une pièce déjà ancienne dont l'auteur, me raconta-t-elle en chemin, maudit et obscur, avait fini par se pendre reclus dans une chambre d'hôtel parisienne et dont elle m'assurait la sourde force et la brûlante blessure. Ce fut « Désastre ancien et fugitif » de Samuel Lespinas, autre rejeton artiste ayant abdiqué la particule de son nom noble. Une autre nuit, fût-ce l'abus d'alcool ou de drogue fumée, je crus entrevoir dans un caveau de jazz le visage carré d'Élisabeth Grandjean, qui, un temps, avait exercé une secrète fascination sur mes rêves juvéniles. Mais elle n'avait, m'étais-je dit, aucune raison de fréquenter un tel lieu, si bien qu'une rasade de whisky dissipa ce que je pris pour une hallucination. Il m'arrivait en certains moments de passage dans une grande gare d'acheter le journal régional pour y lire les informations qu'on y donnait sur Moret-sur-Raguse. Ce n'était non pas avidité d'un passé que j'eusse souhaité proche, mais plutôt par doux dédain d'une vie qui me paraissait désormais si loin de la mienne. À dire vrai, j'eus pourtant par trois fois des nouvelles du bourg par la presse nationale. Vers la fin des années 70, on mentionna le nom de Moret à propos de l'affaire Henri Levrault, accusé de meurtre et de viol et dont un comité créé pour sa défense s'évertuait dans un premier temps à démontrer l'innocence, puis le verdict rendu à lui épargner, vainement d'ailleurs, la peine capitale. Bien plus tard, ou avant peut-être, je vis chez des amis chez lesquels j'étais venu dîner des images des lieux de mon enfance, et le commentaire évoqua la sombre histoire d'un tireur fou, d'un jeune désemparé qui, armé d'une carabine 22 long rifle, avait abattu ses parents, sans que l'on sache véritablement les motifs de cette soudaine folie furieuse. À mes amis, je ne laissais rien remarquer, ni la familiarité d'avec le village, ni la connaissance des familles endeuillées. Une réflexion sur l'antique fatalité familiale nous fit passer à table. Une dernière fois, les journaux citèrent le nom du bourg lors du scandale de la profanation des tombes. J'en oubliais vite les détails ainsi que les noms. Ce rappel venait encore trop tôt pour que je puisse évoquer à ma mémoire les paysages de la Raguse, ses doux vallonnements, l'agile faufilement de la rivière et ces autres choses dont je ne voulais pas encore me souvenir. La lune était haute sur le ciel dégagé, l'air vif traversé par le vol bas des chauves-souris, retentissant parfois du ululement des frais nichés dans le bois attenant. Je déambulais entre les tombes sans que le gravier maintenant ne crissât, ni que les arbustes effleurés, retrouvant leur posture d'origine, n'émissent le moindre sifflement. De ce mystère, je ne me préoccupais guère, ayant encore tant de tombes à visiter, tant de voix à entendre et à réconforter de leurs blessures inconsolables de vivants. Une chauve-souris me frôla, je me réveillai. Je m'étais ainsi endormi sur le granit d'une tombe, la troisième fois depuis mon arrivée en fin d'après-midi en gare de Landon. Le jour n'allait pas tarder à se lever. À quoi bon, me dis-je alors en me redressant, contemplant le ciel étoilé, les brumes s'effilochant sur la Raguse, le bois de la Meule aux ombres menaçantes, le village endormi. À quoi bon, me répétais-je, fermant les yeux. Mastication des morts, de Patrick Kerman. Oh! n'entendait pas, on entend des larmes couler. Gilles Rimet, 1949-1952. On attend, on est mort, c'est tout. On est mort, c'est tout. On est dans la tombe. La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire. On est dans le noir. Il fait noir, on ne voit rien. On ne peut plus ouvrir les yeux, ou les yeux sont ouverts et on ne voit rien. On ne sait pas. On ne bouge plus. La chambre est étroite, on ne bouge plus. On ne peut plus bouger, les bras sont lourds. On ne respire plus, on est dans le noir et dans le froid. J'ai froid. On ne grelotte pas, mais on a froid dans le noir. On ne voit pas qu'on a froid, on ne voit plus rien. On entend des bruits, on entend des pas, on entend des larmes couler. On est mort, c'est tout, dans la tombe noire et froide, on attend. On est mort, c'est tout, on est dans la tombe. La tombe est une chambre, la tombe est une chambre noire, on est dans le noir. Ah, le Léon jouait au Brenou au bourg. Alphonsine Rouard, née Grandjean, 1878. Lui, l'argagneur, bavachant et bombeur. 1904. Toujours chez la mère Yvonne. Mingrelin moustacheux, un vrai corniflot, parais-tu pour un liard. Jamais je l'avais caliborné. Tant les blagasseurs, c'était bon pour les canfourniaux des cabreux qui hulent à la lune. Et le Léon, avec son visage terneux et le crâne grisâtré carcaillon, qu'il passait de plus avec sa caterve de 8 vaches et sa branderaie qui donnait du bois pour 3 mois. Non, ça serait-il point une affaire que cette maison peu chaleurée et clarteuse avec sa cour qui est une véritable bourbille et ce mâle pégueux et emboissonné qui le dimanche, quand la cloche campaigne, s'en vient à l'église tout déparpaillé, s'encafouinant sur le banc et dormiotant son vin et qui mucite ses prières que c'est un vrai patafoui. Ah, le Léon jamais m'agréera. Je m'insurgeais quand la mère m'en donna visée. Cette empurinée, cette dégueulure hirsutée qui courat à gauche à droite, jamais je prendrai tel mal branloqueur. Un toujours fêteux qui s'écrampe à la tâche, non, jamais. Il me ontoyerait et me ficherait heureuse, marque poussai-je contre la mère. Mais j'avais beau babouiner, j'ai dû corbiller. Et le 15 de juillet, c'était la noce, que j'ai cru m'accorer avec ce ciel chabouillé. Et comme si on me condait au lancet de ce Léon tout glotté dans son costume. Mais ce fut un banquet charmeux avec la zinzine. On y entendait le crinquinement des violons et l'échignement des museurs. Et tout le bourg s'en venait guinchailler et croutonner les pâtés et le cochon du copain Marcel. Et quand, tout matitineux, on se ficha au lit et que dès l'orgnant sa maltée bien baticolée, je me trouvais subite émeuse de ce Léon qui me belutait, que j'en étais à moquer tout en somnolé, et que lui, le Léon, jamais il se montra reglogu, toujours inciteux à poursuivre le besognement, et toujours son petit Léon se rectait pérennellement, on aurait dit se reptait en moi que c'était régal et délice. Mais au bout de 6 mois, juste après la cascaille de son copain Marcel qu'on venait de mettre en bière, le Léon se montrait jamais repu. Un ruteux, on aurait dit. Pire que la bestiaille sautelant sur moi, que j'en étais néanti, complètement rinté, et que finalement, la Camuse m'a prise. Je ne suis pas morte, je repose. Nuance. Non, la mort, bon, quoi, rien, non, vraiment, c'est bon. Je dis rien. Ils font des abîmes, je crie vers toi, oh, Seigneur. Juliette Bigot, née Blandin. Prêtez l'oreille à mes paroles, Dieu Tout-Puissant. 1867-1938. Pourquoi cacher ainsi votre visage alors que mon corps s'effrite comme un bois vermoulu? Mon âme soupire après vous. Mon âme aspire à vous. Chaque jour, je répète, où donc est ton Dieu? J'attends que mes os humiliés tressaillent d'allégresse en vous montrer clément. En vous s'en retourne la chair des bienheureux qui meurent dans le Seigneur et, ô mon Dieu, je suis morte en vous et j'attends d'apparaître devant votre face. Alors, montrez haut ma mansuétude grandissime, mon très loup et mon tout. Qu'attendez-vous pour me prendre, moi qui repose en attendant la résurrection promise selon Jean, chapitre 5, verset 25. Pas le crouille, prévient le pitaine. Les femmes et les enfants, mais pas le crouille. On entre dans la casbah, schlac, plus de femmes et d'enfants. On lui amène le crouille avec sa djellaba pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène, la jeep. Eugène Griot. Et Eugène va chercher la jeep planquée à 2 km dans ces putains de montagnes et ce putain de soleil. Et Eugène ramène la jeep. Et le crouille à poil sur la chaise, la mâchoire pendante et l'oreille gauche en main. Le matériel dans la jeep. Et Eugène va chercher le matériel dans la jeep. Arrivé au 152e RI, c'était tombé sur moi, évidemment, quand j'ai dit mes compétences. Eugène, électricien. Avec moi, avait dit le pitaine. Section spéciale, avancement, dépaysement, amusement, action, distraction, promotion. Là où il y a de la gêne, il y a Eugène. Il rigolait au foyer en se tapant les cuisses. Eugène, la gêne, quand c'était mon tour au BMC, mais leurs il jus. Et Eugène, il songeait à son bourg, au samedi au café de la mairie, à ses deux loupiots. L'Odile qui allait sur ses 5 ans et le petit qu'il avait même pas vu. Et Eugène songeait aux eaux vertes de la Raguse, aux parties de pêche avec papa dans le bluet, aux cuisses chaudes de son Yvonne. À tout cela, il songeait, Eugène la Gégène, en ramenant le matériel dans la casbah avec le pitaine qui criait « aux couilles de crouille !» Ce marrant. Eugène la Gégène, les couilles du crouille, ce marrant, et Eugène qui prend son FM, qui tire dans la casbah, Eugène qui tire sur le crouille, qui tire sur le pitaine, et Eugène qui tire sur le Marcel du Réautier, le Maurice du Nord, qui tire sur l'ADL, sur le Julien de Pigalle, sur Henri, dit le Boriton, sur le Pierrot de Bordeaux et le Michel la pédale, et Eugène qui tire sur Eugène. En Abody, on s'y fait pas. Non, on s'y fait pas. Ma biquette. Mon biquette. François et Françoise Vrille, 1893-1980. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Pas trop froid? Jamais avec toi, ma biquette. Elle était fraîche pourtant. Toujours en la saison. Oui, mais en été, on s'y baignait. C'était avant. Avant, oui. Avant que tu ne partes à la première. On s'y baignait avec le Gaston, le Georges, et la Julie, la Rosalie, la Fernande. Tu as toujours eu un penchant pour la Fernande. Ma biquette, tu sais bien que... Je te taquine, mon biquet. Oh, ma biquette. On est bien ici. On est bien. Mieux que... 1000 fois mieux, ma biquette. Oh, mon biquet. C'est vrai qu'elle était fraîche. Tu as bien fait de garder ton châle. Je ne serais jamais partie sans mon châle. C'est loin, mon biquette. C'est loin, mon biquet. On a bien fait. Bien sûr, mon biquet. On a eu notre compte, n'est-ce pas, ma biquette? Oui, mon biquet. On ne pouvait pas demander à Gilbert tout le temps. Il le faisait volontiers. On ne pouvait quand même pas. On a été gâtés par notre fils. Il nous a gâtés, notre Gilbert. On aurait dû lui laisser un mot. Il l'aura compris, ma biquette. Ne t'inquiète pas. Mon biquet. Ma biquette. Jamais je ne serais allée dans leur maison de vieux. Gilbert passait tous les jours. Je sais bien, mon biquet. Il ne nous a jamais rien demandé. Jamais. Et si tu étais parti avant moi... On n'y pense plus, mon biquet. On ne pouvait plus continuer. On ne pouvait plus. Même si elle était fraîche. En automne, on ne s'y baignait plus. Tu as raison, ma biquette. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Mon biquet. Oui. Embrasse-moi. Bien sûr, ma biquette. En ce mois de mars, s'éteignait subitement Madame Yvonne Griot, née Largue. Originaire des Alpes, elle arrivait dans notre bourg en juillet 1942, au milieu de terribles épreuves. En juillet 1951, elle épousait Monsieur Eugène Griot, électricien, et entrait ainsi dans une de nos très anciennes familles. Elle élevait ses deux enfants avec un courage et une attention remarquables depuis la mort de son mari, tombé en Algérie en juin 1958, décoré de la médaille militaire. Malgré les souffrances et les difficultés qui l'accablaient, elle ne manquait pas de participer à notre vie locale. Depuis 1960, elle tenait le stand gâteau à la fête de la paroisse Sainte-Clotilde et prenait part à l'élaboration des costumes pour le gala de la fête de l'école. Mélomane, elle organisait en hiver des concerts de piano auxquels sa fille Odile excellait, qui a malheureusement succombé à un tragique accident routier. C'était une personne d'une grande finesse, emplie d'intériorité, de valeurs humaines et spirituelles, toujours souriante, traversant avec beaucoup de dignité une vie de douleur. Voilà l'image qu'ils garderont de moi. Je confesse que je méritais de mourir dès la première fois que je vous offensais volontairement. Martine Bigot, 1897-1962. Que le péché en tuant mon âme devait faire périr mon corps, et que si je suis enfin sous terre, je ne le dois qu'à votre bonté. Mais Seigneur, je vous supplie de prendre soin de ma fille, Bernadette Bigot, qui s'éloigne de votre voix et se complaît dans la luxure. Ce serait ça, un triptyque, oui, un triptyque avec au centre ce format inégal. Christine Lespinas, peintre moderne, 1908-1975. Je vois, verrais ça, oui, improbable retable, avec au centre, panneau central, couleur abolie, éteinte, couleur bannie, juste ça, noir et blanc. Vois, verrait, noir et blanc, et toujours au centre du centre, du blanc au noir, au blanc, avec au tout centre, traces de noir, griffures noires, juste dépôt de noir, et toujours ce centre du centre qui pousse et repousse gauche et droite vers le panneau gauche et droit gauche, puis droit vers ce qui est, qui fut nommé, identifié, comme une tombe, un cercueil peut-être. À trait grossier, juste ligne noire sur fond ocre, oui, ocre. Je vois, verrais, et papier marouflé, voilà. Triptyque sur papier marouflé. Avec ça, panneau gauche, comme tombe nommée, identifiée, gisant ou transi peut-être, ou forme vague, corps mort, corps enseveli, avec juste trait noir, figurant, oui, figurant, mais tout juste esquissant cette forme de cercueil et pendant à droite, panneau droit, aussi mort, corps mort, soit donc gauche et droite, corps mort, deux, enseveli, enterré. Vois, verrait dans ce cercueil esquissé, figuré par traits grossiers. Voilà, voilà, gauche puis droite. Deux qui furent, vécurent, et puis toujours le regard du regardant au centre serait, oui, attiré au centre, le contemplant au centre du centre, qui serait alors panneau central, qui serait attiré vers ce qui fut, peut-être, ce qui n'est pas, ce qui serait, ce vide, ce creux pire que l'horreur des corps morts gauche et droite, pire, oui, qui ne serait pas une histoire ou des, qui ne serait que ce blanc puis noir, qui ne serait que ce rien insoutenable, au-delà, oui, au-delà des corps morts, au-delà des mots de la douleur, au-delà des histoires de vie défunte, et toujours au centre du tout-centre, voit, verrait ce qui serait non l'empreinte d'une histoire ou des pas, le suaire d'une vie anonyme, non. Au centre du tout-centre serait cela, ce blanc entouré de noir sur blanc, donc ce blanc, puis noir, puis blanc vide, blanc creux, au centre du tout-centre de ce qui serait comme une autre tombe en creux. Voilà, vois, verrais ça. Ce tombeau du regardant, du contemplant, serait ce blanc innommé, ce vide où glisse le regardant, coule, s'abîme dans ce vide qui appelle, désire, et désire, oui, ou désire lever le regardant, où serait l'histoire du regardant, où se projetterait cette histoire dans ce qui est, n'est pas, pas encore ou plus dans ce centre du tout-centre, où se perd son histoire. L'histoire du regardant se perdrait là, comme un vide, juste pour lui, le contemplant, juste ce vide pour lui, et puis aussi, juste sur ce blanc insoutenable au centre, au tout centre du blanc vide, du blanc creux. Quand même, traces grises, noires, griffures, blessures, juste encore, juste esquissées, devinez peut-être. Blessures, brisures, oui, écorchures du corps regardant, égratignures et coupures de vie défunte, juste vie, où ce blanc creux accueillerait, recevrait, oui, c'est ça, se coulerait, le regardant dans ça, ce triptyque de vie morte. C'était avant. Alors, d'accord, d'accord. Aussi baigné. D'abord, oui, d'accord. Parfait le tourneux est un homme. D'abord, alors. Tous les hommes sont mortels. Donc, parfait le tourneux est mortel. Implacable logique. Syllogisme inexorable. Ils auraient quand même pu choisir une autre photo. Mais quand même. Putain de soleil. Jules Largui. 1913-1964. Putain, Solex, je l'avais ben dit au Georges d'y voir le tambour, que dans la grande côte vait le vent dans le dos, et le virage avant la ferme des Riboules, tambour rière freinait plus sec. À la soupe, j'avais redit au Georges, pense-y le frein arrière, c'est-y pas rien sur vélo, Solex. J'ai dit donc un œil tantôt, c'est comme qui dirait fait, ma sur le Georges, et de façon avec le 3600, t'y risque rien. T'parle. Parle, c'est-y pas qu'un poil qu'il a dans la main le fils, ou qu'il lorgnait, ça parle, saloupio, ou quoi, parce que, dans le bas de la grande côte, c'est-y pas la marguerite des ribous qui rentre à l'étable, et que moi, Jackson Ball, frein arrière, je me trouve à faire la bascule dans la marguerite, et que du fossé à Purin ne suis plus relevé. La mort, ouais, bon, je sais pas. Non, la mort, bon, quoi, rien, non, vraiment, je sais pas. Je dis rien, quoi, je sais pas. Rimet, Jacques, 1919-1996. Bon, on peut, mais quoi. Oh, on peut, mais ouais, bon, on peut dire. Ouais, bon, d'accord. On peut dire, je sais pas, hein, moi, que là. Quoi, je sais pas. Moi, ouais, la mort. Ok, la mort. Et alors, dire que par exemple, ou encore que. Ouais, ça et autre, on peut. Bon, je sais pas, vraiment pas. Alors, d'accord. La mort, oui, d'accord. La mort, alors, mais bon, je sais pas. Mais la vie? Ah là, oui, je sais, la vie, oui, je sais. La vie, non, merci. La vie, je sais, la vie, non, merci. Jamais plus, la vie. Ça a suffi, la vie. Une fois, la vie. J'ai vu et, quoi, joli, la vie que j'ai vue. Pas... Et celle que j'ai eue, pas non plus. Alors là, je sais. Là, la vie, non merci, plus jamais. Ça, plus jamais, là, c'est vraiment, c'est que plus. Et la mort, bon, je sais pas, la mort. Ouais, la mort, bon, je sais pas, vraiment pas. Quoique, bon. je pourrais... Oh, oh, ouais, je pourrais, mais... Non, en fait, non, je sais pas. La mort, non, vraiment. Je sais pas. Je vais pas faire de liaison ici. Elle est bonne, elle est bonne. Allez, la mère Pascale, une dernière bière pour la route. Bon, pas très simple. Pas tout compris. Bon, récapitulé, comprends pas tout. Et comment suis-je arrivé là et quoi ? Alain Barré, 1934-1964. Bon. Jules Largui, mon beau-père, meurt le 12 août 1964. Descend la Grand Côte sur son vélo Solex tout neuf, et dans le virage, juste avant la ferme des Riboux, heurte la Marguerite qui rentre à l'étable, passe par-dessus et finit le crâne sur une pierre dans le fossé à Purin. Bon. On le ramène chez lui, on le lave, on l'habille, on le veille, bon. Toute la famille se rassemble, on prie, on vante le défunt, on pleure, bon. Le mardi, soit le 14 août, on l'enterre. On pouvait pas le garder trop longtemps vu la chaleur. Donc on l'enterre le 14 au matin. La messe à Sainte-Clotilde, le départ vers le cimetière, toute la famille réunie, le fils Georges, sa femme, Yvonne, l'aînée, Sophie, la deuxième, Claudine, la cadette, ma femme, la mère Largui, enfin tous, et l'oncle Louis, la tante Charlotte et la belle famille du fils Georges, les voisins, tous. On le met en terre, la bénédiction, on referme, on sort du cimetière, on va au café de la mairie, chez la mère Pascale, pour le repas. On reste au comptoir, prendre l'apéritif, on boit, 1, 2, 3 pastis, bon. Et là, Sophie qui lance que le vélo Solex, ce n'est pas un accident. On écoute, et on se dit que le pastis et les femmes et l'émotion... Et Sophie réitère que tout ça, c'est de ma faute. Que j'avais fait la révision le dimanche d'avant. Que oui, d'ailleurs, soutient Georges, qu'il m'avait vu trafiquer autour du vélo Solex du père. Que oui aussi, déclare la mère Largui. Que même c'était étonnant, renchérit Georges, vu que je n'y connaissais rien. Et mon père garagiste, rétorque alors Yvonne. Bon, et Claudine, ma femme, qui réfute que n'importe quoi. L'Yvonne s'exclame que toujours j'étais pas franc. Oui, hurle la tante Charlotte. Et la mère Pascale qui explique que c'est servi. Et Georges qui gueule que j'avais épousé Claudine pour la ferme et que je ne l'aurais jamais, rugit je crois la mère Largui. Et la mère Pascale, calme, qu'il n'y a pas que nous, qu'il vaut mieux passer à côté. Et l'oncle Louis qui braille à l'assassin. Enfin, je crois que c'est l'oncle Louis et Sophie ou la mère Largui, enfin une des femmes qui prend la bouteille sur le comptoir. Et Claudine, ça j'en suis sûr, Claudine qui crie non. Mais après... Après, ça m'a échappé. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé ici, le 17 août, à 16h, avec 7 coups de couteau. Enfin, dans le bras, 2 dans l'épaule gauche, un dans le ventre, ça c'était déjà plus grave, 1 dans le thorax, et 1 dernier au cou, le fatal, tranchant l'artère fémorale. Bon, ça je comprends. Mais entre Claudine qui crie non et les 7 coups de couteau, là j'ai beau essayer, il y a des choses qui m'échappent. La tombe est une chambre noire, on est dans le noir. J'ai semé de bonnes pensées, j'ai quand même trépassé. Faut que je me réveille. Alphonse Richet, 1945-1997. Faut que je me réveille. Crois qu'il dort, vous avez entendu ? Faut que je me réveille. Ça va, on a compris. Pardon ? Tu te répètes, mon gars. Tu te répètes. Oh, vous êtes où? Vous êtes combien, là? Un certain nombre, si tu veux savoir. Même un nombre certain. Et plus nombreux que les autres, là. Ouais. Oh, le Marcel. Toujours le mot pourri. Hé, les gars. Vous voulez que je raconte celle du type qui débarque avec son costume sous le bras et qui... On la connaît, Marcel. 10 fois déjà, quoi. Tu fatigues, Marcel. Je veux pas dire, mais tu fatigues. Oh, ça va, si on peut plus s'amuser. Mais dites... Et c'est reparti. Toujours pareil avec les nouveaux. Le même tintouin qui reprend. Faudrait les prévenir là-haut. Après, ils vont dire c'est nous qu'on radote. Et comment tu t'y prendrais? Hein, Marcel? Excusez-moi, mais... Encore un pressé. Tout doux, mon gars, t'as tout ton temps. Et même plus. Hein, Marcel? Sûr, Roger. C'est pas près de finir, l'éternité. Il faut vraiment que je me réveille. Allez, sois pas idiot. Pardon? Hey, t'as ton compte, Alphonse. Hein? Y a pas de mal. Pardon? T'es bouché ou quoi? Tu dis pardon, je dis y a pas de mal. T'énerve pas, Roger. Je sais bien, mais y a des moments où... Souviens-toi quand t'es arrivé. C'est du pareil, non? Je dis pas, mais quand même, c'est pas une raison de nous casser les pieds. C'est vrai qu'on est bien entre nous, hein, Marcel? Hé, remarquez, plus on est de morts, plus on rit, non? T'as pas tort, Marcel. Je dis pas, t'as pas tort. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par « t'as ton compte, Alphonse » Ben, tu es mort, Alphonse. C'est la vie. Hein? Tu saisis, là. Encore un dur de la comprenette. Hein. Pourrait nous envoyer des plus éveillés. On choisit pas toujours, hein, Roger? T'as raison, Marcel, je dis pas. T'as raison. Vous plaisantez, messieurs. Je me suis endormi devant la cheminée après le dîner. Mais je vais me réveiller. Hein. Je fais juste un petit somme et un mauvais rêve. Tu rêves pas, Alphonse. Une attaque au coin du feu à ton âge. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas possible. Eh si, il faut y faire, mon Alphonse. Mais... Il y en a marre. Calme, Roger. Ah, je voudrais t'y voir, toi. À chaque fois, c'est pareil. Ouais, pas que ça à faire. Hein. Les entendre pleurnicher. Bon, on reviendra plus tard. Non, mais... Tu vois, il recommence. Allez, à tantôt. C'est ça, Roger. Et va pas au bistrot chez la mère Pascal. T'as pas fini de payer ta dot. Sacré Marcel. Toujours le mot. Attendez. Messieurs, attendez. Il faut vraiment que je me réveille. Attendez-moi, j'arrive. Oh. Oh. Messieurs. Oh, vous êtes où? Oh, ah, ma jambe. Oh, oh. Répondez-moi. Eh, hey, mais dites quelque chose. Allez. Me laissez pas seul. Oh, oh, oh. Non, vous pourriez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment. Je sous-signais Bernadette Bigot, fille de Martine Bigot. Certifie sur l'honneur que le seul phallus touché de ma vie entière fut celui du cousin Georges, l'été 43 dans la grange au foin. Confirme la découverte de mon homosexualité au pensionnat Marie-Madeleine de la Ville avec sœur Thérèse et ma camarade Yvette. Soutient qu'à l'âge de 21 ans, je n'ai plus posé un pied dans une église, même lors de mon voyage à Venise avec Raymond en août 61. Garantit avoir connu des amours épanouis, notamment à la Baule avec Agathe Berthoux en 64-67. Assume mon militantisme athée à la cause des femmes, puis au MLF. Affirme que mon décès prématuré à 47 ans suite à un cancer de l'utérus est indépendant de mon choix de vie. Jure que j'ai volontairement mis fin à une lignée de frigides femelles catholiques et proclame ainsi l'extinction totale de la race des bigots. J'en avais encore dans ma tête. Pas tout dit, tout écrit, me restait plein de lettres découpées dans le journal, plein de différentes, de jolies, des petites et des grandes, tout plein dans le tiroir du buffet qu'il me restait pour écrire tout ce que je savais encore. Victoria Rayon, 1889-1984. Que c'était le Georges qui avait trafiqué le frein à tambour du père Jules qui a dégringolé la Grande Côte et qui a heurté la Marguerite du Gaston qui rentrait à l'étable. Que la Juliette Bigot disait à son mari qu'elle allait à la confesse tous les jours et le samedi fleurir l'autel et qu'elle retrouvait le Léon dans la grange au foin après la mort d'Alphonsine. Que la Renée a pas été vraiment très sage pendant que le Marcel a pris du gaz dans les poumons à la première. Qu'il n'y a qu'à creuser le mur de la chambre, celui du fond, pour voir les louis qu'elle y a cachés, la grippe sous de Mathilde, qui a fait enterrer son fils aux frais de la commune. Que si le Jean Blandin est mort sans avoir vécu, c'est qu'il aurait eu du mal à trouver le bon père, à force que la Huguette couchaillait plus que raison. Que le docteur Lemoine, d'ailleurs, n'y était pas pour rien dans cet heureux accident. Vu qu'il lui devait bien ça, la Huguette, vu que le vendredi, elle venait pas que pour le ménage, vu que le vendredi, c'était le jour où la femme du docteur allait en ville. Que le boche qui est là avec les nôtres pourrait aussi bien être chez les Richets, à cause que la Géraldine, il n'était pas inconnu. Que la femme du Marc qui faisait sa Sainte-Nitouche, elle se faisait mettre par le receveur de la poste et que même elle hurlait. Que les poules de la mère Triboulet, c'était pas le loup qui les avait prises, mais le Roger qui les avait vendues le vendredi au marché de Landon. Que les deux gosses du Youpin, le soi-disant pommier, ils sont jamais arrivés à Villard-de-Lans, soi-disant colo, vu que le Paul Reboul avait passé un coup de téléphone à la Gestapo. Que je pourrais en dire encore des choses si on m'en avait laissé le temps et des pommures. Je suis une personne ordonnée. On appréciait mon sens de l'ordre à la mairie, au château et chez le docteur. Et de la propreté, cela va de soi. Huguette Blandin, 1931-1974. J'ai été une personne ordonnée. On ne pourra rien me reprocher. Et propre, naturellement. Le matin, j'ai repassé ma jupe plissée verte et à m'y donner mon chemisier, le chemisier à fleurs du dimanche. J'ai ciré mes chaussures noires, puis frotté avec le chiffon de laine pour les faire briller. J'ai également mis une culotte propre, bien que ce fût mardi, je suis une personne propre. Mais j'ai gardé la culotte sur moi. J'ai juste déposé mon chemisier bien dans les plis à côté de ma jupe plissée et de mes chaussures noires sur le gravier. Je suis une personne ordonnée. Donc, les chaussures, à droite la jupe, et encore à droite, le chemisier. Je suis donc entrée dans l'eau avec ma culotte toute propre, on a sa pudeur, mais sans soutien-gorge. Ma poitrine n'a pas besoin de soutien. Ainsi, quand les pompiers de Landon m'ont sorti du lac des Bluets, avec le docteur Lemoine pour l'autopsie, le Fabrice, mon mari, pour reconnaissance du corps, le Reboul, adjoint au maire, pour l'acte de décès, et le fils Lespinasse, qui passait en vélo, et le Georges Vinchon, qui était dans le champ, ils ont pu admirer ma culotte toute propre. Ils ont vu, une dernière fois vu, ma poitrine blanche, mes seins blancs et fermes encore, lourds peut-être, trop lourds pour eux. Oui, ils ont vu cette poitrine, le Serge Lemoine qui me pénétrait le vendredi sur la table d'auscultation pendant que sa femme était en ville, le Reboul Paul dont je suçais le sexe tordu et noueux le mardi dans son bureau et dont j'avalais le sperme lourd. Ils ont vu ces seins blancs. Le Fabrice que je chevauchais le soir dans le lit grinçant. Le petit Lespinasse, mon tout fou, qui me giclait dans ma touffe épaisse, qui me giclait entre mes deux seins que je pressais. Et même le Georges Vinchon, que je retrouvais le lundi dans la grange au foin et qui me faisait des choses dégoûtantes que moi, propre et ordonnée, personne réputée propre et ordonnée, j'aimais. Oh oui, je les aimais, ces sexes durs qui me pénétraient partout. Oui, je les aimais, moi, personne propre et ordonnée, tous ces sexes des hommes, et ces choses, toutes ces choses qu'ils me faisaient, les hommes, ces hommes rassemblés une dernière fois autour de mon corps, le Georges Vinchon, le fils Lespinasse, le Fabrice, le Serge Lemoine et le Paul Reboul, ces hommes qui admirèrent une ultime fois cette poitrine ferme encore, lourde, mais ferme encore. Ces deux seins qu'il dédaignait maintenant, qu'il refusait d'embrasser, de toucher, tâter. Ces deux seins que depuis des semaines et des mois, il ne voulait plus caresser. Et ces deux seins encore fermes, fermes quoique lourds, leur arrachèrent une ultime érection. Comme l'hommage du souvenir, de la mémoire des plaisirs partagés, l'adieu de ces hommes aimés et ingrats à une femme aimante. erschossen. Ja, in diesem verdammten Dreckland. Bei diesen Schweinfranzosen, in diesem verlorenen Ort, wo sich ja keine Partisanen Johannes Arends. Zwei Tage, die waren ja bald 1941. Saufen, fecken und wieder fecken, seitdem man wirklich nicht alles verloren in diesem Scheißkrieg, der doch verloren war. Ach, was haben wir hier gefickt? Vieh und Garçon, Femme und Vieille und die Weiber mit ihren Manieren, mit ihren Schreien. Non, non, lâchez-moi pas ça. So viel Französisch habe ich überhaupt nicht gelernt in den zwei Jahren in diesem Scheißland. Je vous en supplie, pas ma fille, prenez-moi, mais épargnez ma fille, monsieur le soldat, s'il vous plaît. So fresh war die, so jung. Und da auf dem Tisch, während ich den Arsch dieses jolly Mademoiselle putzte, so eng, dass sie nicht aufhörte zu schreien. Salaud, espèce de sale boche. Da ist mein Gedicht eingefallen, das ich in einem Buch gelesen habe. Mignon, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclos sa robe de pourpre au soleil, a point perdu, und auf einmal stand da die Mutter an meinem Rücken, mit einer Pistole. Lâchez ma fille, je vous tue, hat die Alte gesagt. Und da hat die verdammte Kuh losgeschossen. Pang! Und noch einmal, pang, pang, pang! Und da fiel ich auf den Boden mit einem hochgestreckten Glied, seinen Saft ausleerte, sodass ich dann mein kleiner Fies in diesem Cimetière kommt, mit ein paar Blumen, und so lieg ich da einsam, seul, komplettement seul. J'ai souffert. J'étais pas heureux d'être souffrant. Maurice Ribou, 1896-1965. J'ai beaucoup souffert du ventre d'un coup de pied de ma bête. Ah, elle m'a fait souffrir, la Marguerite, qui était chamboulée depuis que Jules Largui lui était rentré dedans avec son solex. J'ai souffert vraiment. Et je disais à ma fille, va danser. Moi, je suis peiné et point heureux de peiner. J'ai tant souffert qu'à la fin, je suis parti. Et quand j'étais dans la caisse, la pleine maison des gens qui se signaient et priaient, je l'ai vue au-dessus de ma caisse. Un grand arc-en-ciel, un bel arc-en-ciel au-dessus de ma caisse. Et je me suis dit, t'as peiné beaucoup, mon Maurice. Tu as souffert, tant. Mais tu as gagné le ciel. Je ne gis pas ici sous l'if, non. Si mon esprit visite parfois ce triste cimetière, mon corps ne gît point sous le granit poli par la pluie. Non, je ne gis pas parmi les tombes amies et ennemies où furent enfouis ceux que la vie a quittés. Mes membres bleuis n'ont point pourri dans l'argile acide et ameublie par la vermine. Mon visage n'a pas bouffi ici, oh non. Mes chairs ne se sont point putréfiées, ni mes os pétrifiés si bas. Sous un crucifix fixé sur du bois décrépit, n'est point écrit qu'ici gît, d'une vie bien remplie, Henri, qui vint en cette ville en avril 1926, s'acquitta des soucis et des plaisirs d'une existence anodine, puis s'éteignit dans la sérénité, jouissant de la sympathie publique. Oh non, nul myosotis fleurissent ici, ni hélénie ou scabieuse, et la fétidité des chrysanthèmes dans l'eau croupie jamais n'arrive à mes narines aiguisées. Nulle famille ne vient se recueillir dans le souvenir de ce Henri Pommier, qui point ne partit dans l'adversité ni ne consentit à fuir des lieux qui le virent réjoui. Et de mes fils, nul ne sera réuni dans l'infini oubli à son père chéri. Ah non, je ne gis point ici. Et mon corps et mon esprit sont partis en suie loin d'ici, très loin, un matin d'hiver, dans le paysage grisé par la bruine glaciale d'une plaine de Haute-Silésie. Je fus bon père et bon époux. Paul Reboul, 1919-1983. Je fus conseiller municipal de 1965 à 1971, adjoint de 1971 à 1977 et maire de 1977 à 1983. Je fus président d'honneur de l'Union Bouliste et du Football Club. Je fus membre de la commission départementale de l'équipement. La mort est-elle fin de tout ? Je fus trésorier adjoint de l'amicale de la classe 19. Je fus représentant de la mairie au conseil d'administration du collège Émile Zola. Je fus ravi à la... Est-elle immortelle ? Ou message évanouissant de l'ultimité ? La mort ouvre-t-elle sur le néant ? La vie commence-t-elle après la mort ? Si oui, que va-t-on faire tout ce temps ? La mort est-elle un scandale, accidentel ou naturel ? Se vit-elle à la première ou troisième personne du singulier ? Convient-il donc de dire « je suis morte » ou « elle est morte » ? Je fus commandeur de la Légion d'honneur, je fus responsable local des francs-gardes en 1943, je fus à l'origine de la déportation du juif apatride Henri Apfelbaum. Je fus un travailleur infatigable. Je fus titulaire du certificat d'études, classe de Mademoiselle Sauvin. Je fus l'instigateur de l'extension de l'aile sud du cimetière. Je fus désigné par Pierre Debizet comme responsable local du SAC. Je fus cœur vaillant de 1932 à 1937. Je fus atteint de 3 chaudes pisses lors de mon mandat de maire. Je fus promoteur de la pomme Ganis lors du salon de l'agriculture en 1969. Je fus élu représentant à la chambre d'agriculture départementale. Je fus à l'initiative du projet de MJC. Je fus le client préféré de Lulu le vendredi soir chez Madame Claude, rue des Fauvettes, à la ville. Bref, je fus et bien fus. La mort a-t-elle un avenir ? L'euphémie est-elle inversion apophatique ou refus du concernement individuel ? Relève-t-elle du non-sens ou du non-être ? La finitude est-elle imputable à la corporalité ou à la temporalité? Dead. I'm a dead man. E.L. Masters, 1920-1944. Moret-sur-Raguse à son libérateur. Completely dead and alone in the darkness of the tomb without friends and family? Bullshit. Why am I staying in this fucking town, deadly alone, far away from my L.A.? Desperately alone for such a long time that I've lost my accent in this froggy country. Y a-t-il effet prospectif de la limite existentielle? L'avènement à l'être est-il démenti par le déclin? Y a-t-il escamotage social du seuil fatal? L'irréversible est-il irrévocable? La vie est-elle fluxion de petites morts ou la mort l'influxion de petites vies ? L'être ne meurt-il que parce qu'il vit ? L'avenir eschatologique est-il désespérant ? L'instant mortel est-il qualitatif, quantitatif, altératif ou relatif ? L'essence de l'être est-elle dans la disparition apparaissante ou dans l'apparition disparaissante ? S'il faut en finir, par où ça finit ? Pourquoi commencer ? La mort est-elle en deçà ou au-delà de la mort ? Ou la mort est-elle dans la mort ? Pourquoi la vie questionne-t-elle la mort ? Et pourquoi la mort ne fournit-elle pas de réponse à la mort ? Pourquoi la vie questionne-t-elle la mort ? Et pourquoi la mort ne fournit-elle pas de réponse à la mort ? Pourquoi la vie questionne-t-elle la mort ? Et pourquoi la mort ne fournit-elle pas de réponse à la mort ? Je, Armand François Desbuets. Moi, Barbin Léon, dit le beau Léon. Delpue Honoré. Je, Dupont André. Maréchal Ferrand. Je, Gardin Flavien, fiancé à la jeune Rougemont de Landon. Grandjean Eugène, capitaine de réserve. Je, Levrault Paul, du Popol. Je, Rivière Camille, tonnelier chez le Marc Fajol. Moi, Grandjean Étienne, cabrier de mon état et braconnier à mes heures. Je, Rouard Victoria Eugénie, infirmière volontaire deuxième classe. Moi, Vinchon Jean-René, charcutier. Nous, oui, Joseph, charpentier. Nous tous, enfants de Moret-sur-Raguse, sommes tombés au champ d'honneur. J'étais en Champagne, j'étais dans la Somme, j'étais en Picardie, en Artois, en Argonne. J'étais en Flandre, j'ai vu la mer, j'ai vu l'île, Amiens, j'ai vu les Vosges, j'ai vu la Marne. J'en ai vu des pays, moi, Rivière Camille. J'étais téléphoniste de la brigade 218 à Mazingarbe, crassier numéro 7. J'étais téléphoniste, moi, Vrille Joseph, qui n'avait jamais vu un téléphone avant la der Déder. Je, Levropol, n'avais jamais tenu un lebel, jamais lancé une grenade, jamais enfoncé une baïonnette dans un ventre. Faut savoir faire de tout. Moi, Ronchon Étienne, Cabrier, et appris à lire et à écrire dans le 106e, en 3 mois. Oui, 3 mois, dans le bois de Sebzargues. Et après, à Éparges, j'envoyais des lettres au bourg qu'on lisait à ma mère. J'ouvre la lettre de Mathilde. Elle m'aime, moi, Dupont-André, même si elle a épousé le Jules Gacheux de Saint-Aignan. Elle m'aimera toujours, même si je sors du boyau et marche vers l'ennemi qui vise mon cœur. Oh, oh, positif, positif. Excusez, les gars. Moi, Vinchon, 27 ans, René, 5 citations et fourragère, suis tombé le 15 mai 1915 à Perthes-les-Hurlus et ne regrette rien. Je, Armand François Desbluets, 31 ans, tué à Berck. Jolie ville, Berck. Moi, Gardin Flavien, fauché à la crête de Vimy, en plein août. Belle saison pour partir. Moi, Levropol n'ai jamais compris le patois des gens de là-haut. Des gens très gentils avec ça. J'ai appris l'allemand, des mots de l'ennemi, en camp là-bas, dans les fermes et dans les usines. J'ai appris Kartoffeln, Brot, j'ai appris Schnaps, Kaput, Wurst, Suppe, plein de mots j'ai appris. Et des compliqués comme Typhus. Positif, Honoré. Hein? Des mots comme Ich liebe dich, comme Noch einmal, mein Schatz. Nous tairons la boue. Le froid. Nous tairons les nuits. Nous tairons les gaz, les obus, les mines. Nous tairons les tranchées éboulées. Les boyaux inondés. Nous tairons la soif. La peur. Positif, les gars, positif. Nous tairons tout cela, nous, les poilus de Moret, morts pour la France. Taisons les combats et les corps déchiquetés. Et les corps décomposés entre les lignes. Et les corps amputés dans les boyaux. Taisons tout cela. Positif, les gars, positif. Solidarité des gourbis. Dieu qu'on s'amusait. Peut-être qu'il manquait des femmes, mais... Parlons-en des femmes. Léon. Quoi, Léon? Calme, tu vas encore... Moi, je veux en parler, des femmes. Des femmes aux cuisses d'amande que je n'ai pas léchées. Des femmes aux seins lourds que je n'ai pas caressées. Je veux parler des lèvres que je n'ai pas embrassées. Des sexes que je n'ai pas fait crier. Léon, positif. Je veux parler des réveils dans les draps blancs que je n'ai pas connus. Des corps qui jouent à l'émoi, au plaisir des sens. Arrête, Léon, tu te fais du mal. Quoi? Vous voulez que je rajoute sur la plaque? Léon Barbin dit le beau Léon mort en puceau pour la France, vous voulez ça? Soldat Barbin Léon, je vous ordonne d'arrêter. Capitaine, avec mon respect, la guerre est finie, la censure abolie, j'ai le droit de dire... Soldat Barbin Léon, c'est la cour martiale qui... M'en fous, mon capitaine, je veux... Allez, Léon! Après, ils vont me dire qu'on radote et ressasse, qu'on la ramène encore. Je veux une femme, je veux me perdre dans le corps d'une femme, je veux respirer... Bon. Infirmière volontaire, deuxième classe, Rouard, Victoria, Eugénie. Présente mon capitaine. Deuxième classe, Rouard, occupez-vous du soldat Barbin Léon. Mais, capitaine... Nécessité de service, sacrifice, patrie, la France, etc. Bien, mon capitaine. Content, soldat Barbin Léon? Merci, mon capitaine. Eh bien, messieurs, voilà une affaire réglée. Oui, oui, capitaine. Positif, messieurs, n'oubliez pas. Positif, mon capitaine, positif. Allons, messieurs, on reprend tous ensemble, vous êtes prêts? Oui? Attention, 1, 2, 3. Nous, Armand François Desbluets. Barbin Léon, dit le beau Léon. Delpu Honoré. Dupont André, maréchal Ferrand. Je, Gardin Flavien, fiancé à la Jeanne Rougemont de Landron. Grandjean Eugène, capitaine de réserve. Je, Levropol, dit Popol. Rivière Camille, tonnelier chez le Marc Fajol. Moi, Ronchon Étienne, cabrier de mon état et braconnier à mes heures. Rouard, Victoria Eugénie, infirmière volontaire, deuxième classe. Moi, Vinchon Jean-René, charcutier. Oui, Joseph, charpentier. Nous tous, enfants de Moret sur Macuse, tombés au champ d'honneur, morts pour la patrie, tués à l'ennemi, nous les héros glorieux de Moret, la France reconnaissant. Thank you. né le 6 avril 1895. Mère meurt le 8, père suit 12. Orphelin. Albert Isorge, 1895-1921. Recueilli par les Rimet. Foudre dans champ pointu, blouf, Jules Rimet carbonisé. Émilie Rimet, 17 décembre 1903, hop, glisse dans puits. Adopté par les Gautier. 24 mai 1906, ballot de foin, bing, Gaston asphyxié. 2 avril 1909, coup de sang, paf, Victorienne s'en va. Embauché chez les Boulard. 5 février 1912, père gelé dans fossé au retour du café de la mairie. Boulard l'aîné, 19 novembre, coup de fourche dans l'intestin. Boulard puiné, en prison. Boulard Julie, 21 juin 1913, égorgé au lac du Bluet. Boulard mère, 25, pendu dans Grange au Foin. Moi, acquitté, relâché. Ah. 2 août 1914, au front. 17 novembre 1918, retour. Ah ah. 15 septembre 1920, fiancé à la Mireille Rocher. 25 septembre, pleurésie. 1er octobre, Mireille enterrée. 20 juin 1921, fiancé à la Marie de la Ferme du Bas. 5 octobre, marié à la Marie de la Ferme du Bas. 6 octobre, marié écrasé par la loco en gare de Landon. Veuf. 23 novembre, chute de l'échelle. Dos rompu, crâne éclaté, trépassement. 25, veillée, chandelles allumées, linceul en feu, pieds brûlés. 26, encore veillée, tenture tombée, caisse brisée, nouvelle caisse. 27, ensevelissement, ruade, corbillard renversé, curé, écrasé. 28, descente en terre, glissade, cercueil éclaté, bras dressé, cri, syncope, Thérèse Nacar emportée, bras cassé, recouvert de terre. 30 novembre, décomposition, gaz, explosion, amputé Raymond le Marbrier. 4 décembre, minuit, Gilberte la sorcière, pieux dans mon cœur. Voilà. Fini Albert le Poisseux. La maman, on l'a mise sur la maman à elle. L'Albert, on l'a mis sur la maman. Et quand le Georges est venu, on l'a mis sur l'Albert. Et quand la fille de Georges est arrivée, on l'a mise dessus avec la Christine et la Marie qui étaient déjà sur le Georges. Et moi, pour le moment, je suis tout dessus. Je n'y tenais pas à Vinchon. Marie Vinchon. J'aurais préféré Marie-Mère. Épouse-mère. Juste Marie-Mère. 1956-1991. Né Vinchon à la limite. Mais sans, ça aurait été mieux. Oh, pas à cause de la réputation des Vinchon, non. Je sais bien que mon père... Un beau salaud, on peut même dire. Qui me foutait des torgnoles quand je criais. Et je criais à chaque fois qu'il emmenait ma sœur Christine dans la chambre. Et pas à cause de ma mère qui ne pipait et me consolait des torgnoles, non. Pas à cause de ça, que tout le bourg savait, non. Juste parce que Marie-Mère, c'est le même mot, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres... Les lettres de Marie ou Mère, ce sont les mêmes. On arrive à aimer. Marie, Mère, aimer. Ce sont les mêmes lettres et ça, c'est joli. Gautier Léontine, 1899. Gautier Marius, 1899-1918. Gautier François, 1899-1919. Moi, Gautier Marius, j'ai été affecté au 8e génie. Moi, Gautier François, au 155e d'infanterie. Moi, Marius, j'ai été téléphoniste. Moi, François, mitrailleur. Moi, Marius, j'ai combattu au chemin des dames. Moi, François, au lieu-dit la fille morte. Moi, Marius, j'ai été blessé, le 28 mai. Moi, François, j'ai été blessé le 9 juillet. Moi, Marius, à la tête, par un éclat d'obus. Moi, François, à la jambe gauche et au poumon, par une grenade. Moi, Marius, j'ai été évacué à Villers-Cotterêts. Ben, moi, François aussi. Moi, Marius, je suis mort, le lendemain, suite à mes blessures. Moi, François, je suis décédé dans ma famille, le 21 octobre 1919, avec une jambe et le poumon droit en moins. Oh, ça va, les frangins. Et moi, Léontine, je suis mort-née pour laisser vivre ces deux cons. Enfin, je dis qu'on arrête avec les histoires, on est mort, on est mort, on a beau se raconter des histoires, on est mort. Alors qu'on arrête avec les histoires, on est mort, quoi, on est mort. Nord-Sud, ils m'y ont mis, Nord-Sud, ces abrutis. Mohamed Aboukher, 1946-1982. Jamais j'aurais dû travailler à la réfection du portail de leur église. Jamais j'aurais dû tomber de cet échafaudage. Oh, oh, vous êtes où? Dupont avec T, bordel. Avec T. Et ce con de Raymond qui me fout un D. Dupont avec T, putain. Comme s'il ne savait pas. Avec T. Non. Non, non. Rosalie Dupont, 1950-1976. Oh, non. Pascal Dupont. Fais pas semblant. 11 décembre 1976. Allez, mens, on joue plus. Et mens, je te parle. Tu pourrais répondre. On t'arrête tes conneries, mens, ça suffit. On t'entend, la vieille, ton fils te cause. T'es bouché, merde, ou quoi? Mens, allez, un petit effort. On en a pour un moment ici, autant qu'on en discute. C'est plus sain, tu crois pas? Faut que ça sorte une bonne fois. T'es pas d'accord? Non? Non! Oh, non! Petite man! Ouh! Dis-moi, tu m'en veux toujours? C'est quand même pas ma faute si ton utérus était pas assez dilaté, hein, man? J'avais rien demandé, moi! C'était une histoire entre toi et papa, t'es pas d'accord? Qu'est-ce que j'y peux que la césarienne elle ait raté? Bordel, arrête de me regarder comme si... Remarque, je comprends, non. Je compatis même, tu vois. Mais pense un peu à moi. Moi qui n'aurais pas connu les gras pâturages de notre campagne. Les jeux enfantins et les amitiés viriles. Les raclées paternelles, les dimanches familiaux, les gorgeons au café de la mairie, le dépucelage maladroit. Les ragots malveillants du bourg, les rudes joies du labeur quotidien, les amours assouvis ou malheureuses, l'ivresse de la paternité, le chant matinal de la terre, les après-midi télévisuels à la maison de repos, la lente agonie à l'hôpital. Tu vois, maman, t'es pas la plus à plaindre. Et puis, on est réunis tous les deux pour l'éternité. Hein, maman? Sans papa sur le dos. T'es con. Ah, ce qu'on est bien ici. Hein, les gars? Ce qu'on est bien. Sur le ciel. On n'est pas à plaindre. Ah, ça, non. On est vraiment bien. Fœtus dans le ventre de ma mère, j'éprouvais dans cette longue période de sommeil léthargique et de contre-révolution permanente l'étouffement de la cellule familiale, qui dans son empressement affectif et nourricier, anesthésiait tout mouvement critique, représentant ainsi à son échelle le système répressif d'une société totalitaire qui, par un instinct de survie face au débordement de la jeunesse, se cramponnait à des valeurs périmées destinées à maintenir sa domination. Pascal Grandjean, 1943-1968. Bambin, au jardin d'enfants communal, je réalisais le mardi après-midi lors de l'activité peinture que notre société, dans la représentation qu'elle se faisait d'elle-même et de ses ennemis, imposait des catégories idéologiques et esthétiques pour la compréhension du monde et de l'histoire, et qu'elle ramenait tout écart annonçant son dépassement à l'ordre naturel des choses, sans comprendre que la révolte de la jeunesse n'était en réalité que le signe avant-coureur d'une subversion plus vaste et le prélude à une prochaine époque révolutionnaire. Élève de l'école primaire du bourg voisin, je me sentais véritablement révolté par l'arbitraire inique de mon institutrice Mademoiselle Sauvin, qui, sans égard pour la laïcité républicaine dont j'étais alors fervent défenseur, chouchoutait le fils comte de l'Espinasse et reproduisait les schémas de classe dont elle était elle-même la victime objective. lycéen non motorisé à la ville, j'étais attiré par les blousons noirs qui sont le produit de l'ordre actuel, c'est-à-dire de l'urbanisme des grands ensembles, de la décomposition des valeurs, de l'extension des loisirs consommables, du contrôle humaniste policier étendu à la vie quotidienne, mais je m'apercevais que leur refus ne laissait aucune chance d'échapper aux contradictions d'un système dont ils n'étaient que le produit négatif, puisqu'ils refusaient le travail, mais acceptaient la marchandise. Et je ne me suis donc pas acheté de mobylette. Étudiant à la capitale, je me rendais compte que mon état était construit sur une base schizophrénique qui permettait de s'isoler dans une société d'initiation relevant conjointement et directement des deux systèmes les plus puissants de l'autorité sociale, la famille et l'État, et que l'enseignement reçu était profondément dégradé du seul fait que le système économique réclamait une fabrication massive d'étudiants incultes incapables de penser. Amoureux d'une jeune fille au pair de l'université de Berkeley, je découvrais dans la misère de nos relations sexuelles que l'aliénation économique, sociale et politique du corps dans notre monde capitaliste occidental entravait la recherche de l'assouvissement gratuit, et que la véritable libération du plaisir passait, certes par une contraception intelligente et l'abolition d'une distribution prédéterminée des rôles féminins-masculins, mais surtout que la révolution était le préalable d'un orgasme partagé qui lui-même était alors profondément révolutionnaire. Ouvrier chez Renault à Billancourt, j'éprouvais jusque dans mon corps perclus du petit matin le système d'exploitation qui broyait toute lucidité politique pour robotiser, voire lobotomiser l'humain et empêcher ainsi l'accès à la critique révolutionnaire par la révolte contre les contremaîtres. Mais mon poste de travail me permettait de rallier les forces révolutionnaires objectives du prolétariat et m'allier à la contestation moderne authentique. Manifestant replié rue de Bussy, j'entendais au loin les nôtres crier « Fouché, enragé, libérez la Sorbonne !» avec le pressentiment que le cocktail que j'avais fabriqué était mal dosé et, effectivement, il explosa avant que je n'aie eu le temps de le lancer sur les forces mobiles, m'arrachant la main gauche, l'épaule en partie et surtout la tête. Mort au cimetière communal, je me rendais compte que la répartition topographique des tombes et l'ostentation ornementale des caveaux de la classe possédante reproduisaient les profondes inégalités sociales et que le fils Lespinasse reposait dans une somptueuse crypte exposée plein sud. Mais moi, ici, étais trop coupé des forces vives de la société et de l'évolution historique de la conscience prolétarienne pour entreprendre une quelconque action révolutionnaire. Victime d'une profanation collective le week-end dernier, je profitais des quelques jours de lumière pour m'informer de la situation sociopolitique issue des bouleversements récents, pour faire l'examen critique de mon parcours militant et pour envisager l'avenir de la lutte. Enfermé dans un nouveau cercueil de zinc, définitivement condamné aux froides et humides ténèbres, au progressif pourrissement de mon propre être, seul enfin, face à moi-même, je réfléchis, j'entends le crissement des pas sur le gravier, j'entends le merle chanter, le vent se lever dans les cyprès, et je réfléchis. Et parfois, il me faut l'avouer, je doute. Oui, je doute et désespère du monde. Moi, j'ai laissé le souvenir d'une grande silhouette un peu voûtée, toujours prêt à donner un coup de main, souriant et aimable, peut-être un peu trop. Mais bon, au moins ils se souviendront de moi. Je n'ai pas vécu pour rien, toujours souriant, quoi. Et ma silhouette, grande et frêle, elle ne passait pas inaperçue. Elle ne pouvait pas passer inaperçue. À l'église, je dépassais tout le monde d'une tête. Ça se voyait. Ça ne pouvait pas ne pas se voir. Et les coups de main que je donnais à droite, à gauche, avec le sourire, toujours. Toujours avec le sourire, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, un grand type aimable, comme moi. Un peu voûté, d'accord, un peu échalas, quoi aussi, mais ça se remarque, ça reste. Non, ils ne m'oublieront pas. Géraldine Goutard, 17 mars, 10 juillet 1969. Lundi 25 avril 1969. Moi. Mouah, mouah, mouah. père, entrant dans la chambre, encore par terre. Il me relève et me cogne la tête contre l'armoire. « Ça t'apprendra !» Il me recouche dans le berceau. De sa poche, il sort un bout de ficelle avec lequel il m'attache solidement. « Voilà, comme ça, elle tombera plus. » Il sort. Moi. Vendredi 12 juin 1969. Moi. Père. Entre dans la salle de bain. Petite salope. Il me prend par le cou, me sort de l'eau et me frappe la tête contre le lavabo. Entre la mère. Mère. Pas si fort, Gilles. Il me laisse tomber dans ma baignoire rose. Moi. Dimanche 10 juillet 1969. Moi. Mère. Vient de ma chambre, un chiffon à la main. Connasse. Elle me soulève par le pied droit et me jette contre le coin droit de la table basse. Ma fontanelle saigne. Moi. Père. Sort trempé et nu de la salle de bain. Pisseuse. Il me saisit la jambe gauche et me laisse tomber sur le coin gauche de la table basse. Une gelée blanche sort de ma fontanelle ouverte. Moi. Père et mère. Ils me saisissent chacun par une jambe et me balancent contre le téléviseur. C'est jour du Seigneur. Il implose. Je meurs. Pas trop tôt. Le père retourne dans la salle de bain et la mère termine son ménage. Ab. Ne. 1900. Cette concession fait l'objet d'une reprise, s'adressait à la mairie. Ahurissant. De quel droit, non mais. Ils peuvent tout de même pas faire n'importe quoi. Il y a des lois, non mais. On veut m'expulser. Quelle infamie. Scandaleux. Je l'ai payé, moi. Moi, Abel Le Tourneon, on veut me reloger à l'ossuaire. Ahurissant. On se demande où on vit. Ah, la campagne. Bertrand Guillaumard, 1957-1992. Les gîtes ruraux. Ah, les fleurs sur la table du salon. Les vraies salades de la ferme. Ah, l'hospitalité paysanne. Le tintement des cloches au cou des vaches dans les vertes prairies. Le bois fendu à la hache. La fatigue saine. Ah, le feu dans la cheminée et la soupe de légumes. Le silence profond de la nuit. Le sommeil lourd et réparateur. Ah, l'air frais des matins brumeux. Ah, l'air pur. Les champs fumants. Le gazouillis des oiseaux, l'aboiement des chiens au lointain. Ah, les conversations authentiques au marché local. Les petits chèvres frais des petits producteurs. Les gens simples au café de la mairie. Ah, les longues siestes paisibles. Les promenades dans les sous-bois humides. Les couleurs de l'automne, les feuilles crissantes sous les pieds. Oh, les bobolets. La tombée du soir, l'Angélus au clocher de Sainte-Clotilde avec son portail roman, miam, la poêlée de champignons à l'ail et au beurre salé. Ah, oh, le paisible cimetière rural. J'ai biné, j'ai sarclé, j'ai semé. Richet Justin, 1901-1962. J'ai retourné, j'ai planté. J'ai éclairci, élagué, j'ai taillé, rasé, fumé, traité, j'ai tombé, curé, j'ai arrosé, j'ai greffé, bouturé, écussonné, émietté, j'ai pincé, pioché, et j'ai étêté, praliné, serpillé, décrusté. J'ai aéré, arraché, ameubli. Ce n'est pas le grand brûlé, blanc désherbé, aveuglant, éblouissant, ni les noires ténèbres poisseuses. Servi, brûlé, c'est. J'ai bêché, pulvérisé. Ce n'est pas le silence, l'absolu silence. Ni les rumeurs ivres, ni les plaintes lancinantes ou stridentes, ni même les cris. Non, c'est. J'ai profondé, piqué, j'ai ménagé, pignoté, étorcé. J'ai essarté, écoché, entêté, dépréhé. J'ai encore castré, blanchi, amendé, assolé, bassiné, enjaugé, roulé, brassé. Puis j'ai lié, détouré, défoncé. J'ai émoussé, débuté, raccourci, griffé, borné, protégé. J'ai forcé, multiplié, j'ai ébourgeonné, j'ai marcoté. Bref, j'ai besogné tant et plus qu'en suis mort sans rien récolter. Ce n'est pas la semblance ombreuse, ni l'apparence désincarnée, ni les brumes glaciales, ni la radieuse chaleur, c'est... Anne Le Tourneux, née Vrille, 1896-1957. Ce n'est ni le crépuscule, ni l'aube, ni... Ce n'est pas l'ennui, ni le mystère, ce n'est pas le vide non plus, ni un autre monde, ce n'est pas une autre vie, une non-vie, l'envers, ni le reflet de l'autre vie, non, c'est... Ce n'est pas, surtout pas le néant. Le trou béant sans fond, ouvrant sur rien, ce n'est pas le temps ou le non-temps, l'or du temps, ni l'espace aboli, c'est... Ce n'est pas l'isolement, le délaissement, ni la fraternité immortelle, ni la solitude éternelle. Ce n'est surtout pas l'errance vaine ou la fixité morne, ni même des chemins tracés, des sentes touffues. Ce n'est pas la chair encombrante, le corps pesant. Ce n'est pas l'absence charnelle, ni l'âme errante, ni surtout l'âme errante. C'est... Ce n'est pas la quiétude, ni l'inquiétude, ni l'agitation, ni la placidité, non. Ce n'est pas le sens, ni l'absence de sens, ni la prescience du sens, pas l'oubli assagi, pas la nostalgie dolente, pas le souvenir endolori, non, pas, ni mutilé, ni atrophié, non, non, c'est, ce n'est pas la matière rugueuse, lisse, ce n'est pas la voix éteinte, la voix tue, ni... C'est... Ce n'est pas. Alfred Delpu, 1864-1929. J'ai toujours pué. Et pas demain la veille que j'arrêterai. 1867-1925. J'ai vécu 58 ans. 58 ans j'ai vécu. 58 ans. 58 ans. 58 ans j'ai vécu, 58 ans, 58 ans j'ai vécu, 58 ans, 58 ans j'ai vécu, 58 ans, 58 ans, 58 ans j'ai vécu, 58 ans j'ai vécu, 58 ans, 58 ans, 58 ans j'ai vécu, 58 ans j'ai vécu, 58 ans j'ai vécu, 58 ans, 58 ans, j'ai vécu 58 ans, 58 ans j'ai vécu, 58 ans j'ai vécu. 58 ans, j'ai vécu 58 ans. Nous sommes nés. Nous sommes morts. Nous sommes morts et nés. Nous sommes nés et morts. Nous sommes nés morts. Nous sommes les morts-nés de Moret-sur-Abuse. Nous sommes ci, ou là, ou pas. Nous ne sommes pas ci, ni là. Jamais ne serons jamais ni là ni ci, nous les morts-nés. Nous les morts-nés de Moret n'avons rien vécu, ni la vie, ni la mort. Nous les morts-nés n'avons rien connu, ni nos pères, ni nos mères. Nous les morts-nés de Moret n'avons rien vu, ni la vie de nos pères, ni la mort de nos mères. Nous qui n'avons vécu ni la vie ni la mort, ne regrettons rien. Qui sait ? Moi, je... Oh oui. Au voir. Rien n'a. Quand même. Mille fois. Non de... Ah ça. J'aurais. Ou bien... Sûr que... Que non. Je pense. Pardon. Quoi qu'il... Nous ne regrettons pas. Nous ne regrettons rien. Non. Nous ne regrettons rien. Ni la vie que nous n'avons pas eue, ni la mort que nous avons eue. Nous ne regrettons rien. Nous les morts-nés de Moret-sur-Abuse. La haine à jamais nous fut épargnée. Et la douleur, la rouge douleur à vif dans nos chairs. Les simulacres d'amour. Les plaisirs faux ou fins. Les travaux et les jours de nos vies aussi. Et nous n'aurons pas agonisé d'affres funestes. Ni de l'entrée pas. Ni de l'entrée pas. Cela, tout cela nous fut épargné. À nous les mort-nés de Moray. À nous qui ne sommes pas nés. Qui ne sommes pas morts. À nous qui ne sommes ni nés ni morts. Et les tombes froides. Les caveaux humides et décrépits. Les croix vermoulues et les plaques gravées. Cela, tout cela aussi nous fut épargné. À nous qui ne sommes ni nés ni morts. À nous, les morts-nés de Moray sur Raguse. À nous, les morts-nés de Moray sur Raguse. À nous, les morts-nés de Moray sur Raguse. À nous, les morts-nés de Moray sur Raguse. À nous, les morts-nés de Moray sur Raguse. Bon, pied bonheur, mais... Il finira quand même dans le trou. Bon, pied bonheur. Tiens, le Pierrot qui pète. Se sont marrés. Encore un tour au Pierrot, a ajouté Gustave. Sacré Pierrot. J'ai entendu le Marcel, peut pas s'empêcher. N'empêche que le Pierrot est mort par asphyxie 2 jours après son enterrement. Pas d'ange, pas de harpe, pas de verte prairie fleurie. C'est des craques que racontait le curé. Que des craques! Pierre Barret, 1934-1975. Juliette Barret, née Barbin, 1937-1975. Marc Barret, 1957-1975. Salope. Enculère. Oh, oh. Connasse. Péteux. Poufiasse. Bouseux. Ça va? Putain. Cocu. Frigide. Impuissant. Ça suffit, les deux. Puis de la gueule. Coincé de l'oignon. Enfileur de chèvre. Peine à jouir. Éjaculateur tardif. Curidé. Bite molle. Saint flasque. Bourrique bourrelée. Flourgue la pissure. Bournoufle. La paix. Pétasse chiasseuse. On crassait du colon. On pourrait... Et toi, la ferme. Ah, je disais rien. On te connaît. Mais je... Alors, tu la boucles. Compris. Pas un mot. On veut pas t'entendre. Ta faute, étron. La mienne, fiante. T'en t'es occupée, merdouille. Je lui ai offert la carabine, moi, Breneux. Et l'amour maternel, Lavasse. Et le respect filial, Trouduc. Accouchaillé, enruté. Fallait assurer. Andropausé. Bon, on devrait plutôt... Ta gueule, le parricide. Caveau, famille Levrault. Vienne, ratisse gravier, nettoie bordure, gratte lichen. Tiens, une nouvelle. Racle mousse. Oh, plus loin, les garçons. Sarcle terre, lave pierre, astique famille Levrault. Dépêche, loulou. Décrasse. Les fleurs, mimi dans la voiture et descends de là, Jojo. Gratte jointure, chiure, peinture. Décrasse dorure, ponce, décape ferrure, passe anti-rouille. Pas touche, Juju. Huile, gond, serrure, frotte, plaque, Fabienne Levrault, François Levrault, Émile Levrault, Hélène Levrault, née Grandjean. Où, maman, bordel? Ouvre lézarde, agrandisse, interstice. Mimi, Mimi, le tout près dans le coffre. Bouche, trou, colmate, fente, obture, fissure. Midi, rôti, vite. Change vis, balaye, ramasse, saleté, poussière, javelise, hôtel, lessive, sol, pulvérise, antivermine. Hé, hey, les garçons! Anti-cafard, anti-fourmi, répande désinfectant, désodorisant, recharge anti-humidité, place anti-rat. On y va, on y va! Examine, considère, apprécie, admire. Mieux, hein, Mimi? Se retire. Le râteau, Juju! Tire porte, clic-clac. La grenouille fait ploc. Sous le cerisier en fleurs, mon cœur a lâché. Adolphe Le Tourneux. Oh, les cons. 1929-1979. Le Henri raccourci. Les cons. Henri violeur et égorgeur. Lui. Je ris. Oh, les cons. Pauvre Henri, victime d'une erreur judiciaire. Oh, je ris, je ris. Les cons. Ha ha ha ha! Ici repose une mère adorée et son excellent gendre, premier violon de l'orchestre régional. N'est-ce pas, Henri Pierre ? Oui, belle maman. Moi, Gouget René, suis malencontreusement passé un matin d'hiver de deux balles de 12,70 tirées par le Marcel Garuy. Comme un sanglier, et dans le dos, s'il vous plaît. Dans le dos. Et juste ça. Corde et poutre. Samuel Lespinasse, auteur dramatique. Juste ça. 1900-1954. Et chaise encore. Poutre, corde et chaise. Puis nœud. Nœud tressé en... Nœud beau nœud tressé. Voilà, coulant, nœud coulant. Nœud tressé coulant. Puis table. Table et chaise sur table. Poutre en bois. Maîtresse, solide poutre. Et encore, nœud. Nœud. Juste ça, encore. Nœud et corde pendante. Balançant. Comme corps balançant. Pas encore, pas tout à fait. Corps presque. Oui, comme préfiguration de nœud balançant. De nœud vide au-dessus de table et chaise sur table. Puis oui, puis voir. Si corde et nœud et corps, pas encore corps, presque. Bonne hauteur, avec juste chaise maintenant. Chaise et nœud balançant poutre. Juste ça, oui. Chaise et poutre et nœud. Voilà. Puis encore voir si nœud et poutre, résistant, voir je, du corps, presque du corps, pas encore, mais déjà corps, presque. Voir si je, nœud et corde, et bonne hauteur avec corde et nœud et chaise. Voilà. Et puis, maintenant. Et puis, corps presque et pas encore. Corps, moi, oui. Moi sur chaise. Et nœud toujours balançant. Balançant, oscillant, puis enfin. Enfin s'arrêtant, juste s'arrêtant sous poutre et sur chaise. Et moi. Moi courbé, plié pour pas. Puis moi passant enfin tête dans nœud. Et corde sur cou, nœud lourd, nœud tressé sur cou et dos, moi sur chaise et poutre sur, et nœud, et moi enfin, oui, enfin, basculant, bousculant chaise, se renversant, juste se renversant, hésitant, encore pied, oui, encore gauche sur chaise, se renversant, puis bruit mat de chaise renversée, enfin renversée, oui, et moi glissant, tombant. Moi, tombé, mais juste avant sol, juste avant sol, moi, pendant, moi, et corde tirant sur poutre, corde tirée enfin sur poutre, chaise renversée, et ne couler sur cou, et se fermant sur cou, et corps déjà et presque, corps pendant, enfin, pendant, puis pendu, voilà, moi, pendu avec juste ça. Juste corde tendue, chaise renversée, ne couler serré enfin autour cou, mon cou, et corps maintenant, corps tout presque, balançant, encore, juste encore, et tournant, oui, tournant autour corde, tournant sous poutre, puis lentement, juste lentement, arrêtant, immobilisant, enfin corps immobile, corps arrêté sous poutre, enfin, oui, enfin corps arrêté, enfin, corps, enfin mort. Moi, j'avais rien contre les fleurs et les couronnes. Ça aurait été quand même plus gai, non? Je suis bien conservée pour mon âge. Trouvez pas? Pour échanger l'eau, quand même. Levrault, Paul Henri, 1931-1974. Salaud que ça savait que c'était pas mais pas du tout un sanglier le coucou Jérôme le Marcel il l'a fait exprès le René de tirer et de tirer le Marcel l'a fait exprès pas un accident. Et je me suis dit, t'as peiné beaucoup, mon Maurice. Tu as souffert, tant. Dead. I'm a dead man. Mais tu as gagné le ciel. Completely dead and alone in the darkness of the tomb without friends and family. Pourquoi la vie questionne-t-elle la mort? Et pourquoi la mort ne fournit-elle pas de réponse à la mort? C'est au retour qu'il y a eu problème. Lydie de l'Espinasse. Je l'avais dit à Louis-Marie et à Didier Georges. C'est un temps à nuages, on ne verra rien pour rentrer. C'est quand même bête. 1971-1990. Jarbi l'ambiance. Quelques graffitis. On a juste ouvert deux tombes. N'empêche, c'était bien glauque. Un peu daube aussi. Enfin, c'est au retour que je me suis empalée sur la grille. Petit pas, silence, ne pas, surtout ne pas, et puis la menthe, l'armoire, puis gêne, gémisse, toujours sanglot, étouffé, muet, pleure aussi, et crie du tout fond, larme, oui, larme, et parle, bruit du monde. Enfui. Disent malheur, disent affliction et désolation, disent chagrin, oui, et toujours sanglots, voix tremblante, voix frémissante, du tout fond, du tout loin, et disent oubli, deuil, et oui, disent ça aussi, voix nouée, encore larmes, éparse, puis tarie, oui. Pleure, tarie, douleur ensevelie, consolée et apaisée, oui. Disent rien, plus rien disent. Au bruit du monde, silence. Petit pas, crissement. Delpu Roger, 1937-1988. Couché, Rex. Saleté de kleps. Vinchon Joséphine, épouse Delpu, 1942-1992. Saleté de kleps. À toujours venir dans mes pattes, à me lécher de tout partout. Saleté de kleps. À pisser dans la maison, et même à... Hein? Ah, bon. Et le Roger qui disait rien, le rejet qu'il n'en avait que pour son Rex. Qu'il mangeait à la cuisine avec nous. Qu'il l'emmenait dans la forêt pendant que je nettoyais ma... de son clébard. Qu'il m'engueulait quand je mettais une tatane à son Rex. Qu'il dormait même dans la chambre. Couchavette, tantillait, je disais, va. Je l'avais prévenu. Si tu te fais enterrer avec lui, je fais tombe à part. Et voyez, j'ai tenu bon. Moi, ce qui me manque, c'est le sexe. Moi, je peux pas dire. Je peux pas dire. Contrarié, ça... Oui, ça m'a contrarié. Mais pas plus. Mais... Comme une fleur brisée au souffle de l'orage, la mort m'a ravie au printemps de ma... De mon... De... J'oublie toujours la suite. Pauline Grandjean, 1875-1956. Ça sert à rien de radoter, de se raconter des histoires, et patati et patata, et encore des histoires. Déjà, de son vivant, ne distrayait même pas personne. Alors quoi, qu'on arrête avec les histoires, qu'on arrête. On est mort, quoi, ça arrive, hein. Ça arrive. Alors qu'on arrête, je dis qu'on arrête avec toutes ces histoires, parce que j'en entends ici, j'en entends. Et que si, et que ça, que celui-ci aurait avec celle-là. Et moi, je dis stop. Ça suffit, les histoires, que personne s'y intéresse plus, ici comme là-bas. Qui s'y intéresse? Personne s'y intéresse aux histoires, aux petites histoires qu'on déniche derrière les fagots ou pas. On s'en fiche des histoires, on s'en fiche, hein. Qu'on arrête avec ça depuis le temps, qu'on raconte des histoires, on devrait en avoir fini quand même, on devrait les avoir racontées, toutes les histoires, les toujours mêmes et pareilles qu'on entend de partout, et qui changent pas. Et déjà avant moi, les histoires, savez, j'y ajoutais pas foi, et surtout je m'en fichais des histoires. Je voyais pas ce qu'on y trouvait aux petites histoires, et même à la grande, qu'on me ramène pas la grande. La grande histoire aussi, ça me pompe. Ça me pompe. Qu'on arrête aussi avec la grande histoire, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, la grande. Alors qu'on arrête de croire qu'elle continue et que les petites vont à la grande comme la cruche à l'eau. Enfin, je dis qu'on arrête avec les histoires. On est mort. On est mort. On a beau se raconter des histoires. On est mort. Alors qu'on arrête et qu'on arrête avec les histoires. On est mort. On est mort. On a beau se raconter des histoires. On est mort. Alors qu'on arrête avec les histoires. Henri Levrault. On est mort, quoi. 1906-1977. Adolphe, je sais que t'es là. Montre-toi. Je sais que c'est toi. Sors de ton trou, fais pas le mort. Je te ferai pas de mal, juré craché. Je sais que c'est toi qui as violé la Jeanne et qui l'a tuée derrière le moulin de la Meule. Je veux juste te parler. Allez, viens, Adolphe. Orifice. Me jeta l'Adolphe le tourneux, me jetant à terre. Ton orifice, je veux ton orifice, me frappant au visage. Rouge était le sien, et aviné son haleine. Offre ton orifice, souffla-t-il, écrasant mon corps sur le feuillage, arrachant jupe, culotte. Oh, le bel orifice, oh, léché, je veux le jus de ton orifice, donnant encore un coup de poing. Oh, boucher, je vais ton orifice, ahana-t-il. Obturer ton bel orifice, s'enfonçant en moi, étreignant mon cou de ses mains terreuses, grognant, geignant, et toujours serrant, que j'en mourus le 12 avril 1972, derrière le moulin de la Meule, à l'orée de la forêt de Saint-Aignan. Moi, Triboulet, Jeanne. Arrête-toi, passant, et contemple la poussière. Vois le feuillage qui tombe et recouvre ma sépulture, et la pierre qui s'effrite, et la mousse qui dévore la croix de bois. Regarde, regarde, ô passant, mon épitaphe. Lis, lis là qui dit ma vie, et ce qui fut mes peines, jusqu'au bout, lis. Et de tes doigts enlève la terre qui recouvre la pierre gravée. Lis tout, tout le texte. Lis de ma vie qui fut ainsi, de ma vie qui fut ici, sans joie ni peine non plus, qui s'en est allée comme elle fut venue. Viens plus près Viens et retire les feuilles qui cachent les lettres, les belles lettres dorées de la vie passée à Morée. Lis l'amour de mes enfants et l'attachement de mon époux et l'affliction infinie et la douleur. Lis aux passants. Hé, hey, passant! Oui, toi, qui t'arrêtes à la tombe de Georgette. À bientôt, passant! À bientôt! Bonjour, bonjour. Je suis l'idiote du village. Ribou, Caroline, 1967-1989. Il y en a toujours une, assise sur un banc de la place de la mairie, ou debout devant l'église, la bave aux lèvres. C'est moi. Le regard débile, pas trop, mais quand même. Au bout d'une minute à me demander le chemin pour Landon et la voiture repartait et il disait « C'est fou tous ces idiots de village, il n'y a qu'ici qu'on voit ça, faudra les enfermer. » Mais ça aussi je l'étais. Au service psychiatrique de l'hôpital de Landon, quand maman ne pouvait plus me calmer avec les 14 Valium par jour. Un an à crier, hurler derrière la grille. Un an à griffer les murs, taper contre la porte, pisser sur moi et manger mes excréments. « Typique, disait le docteur, typique. J'étais une idiote typique. Et au bout d'un an, j'étais encore l'idiote. Oui, c'est moi, l'idiote. Bonjour, bonjour. Alors je suis restée à la maison avec maman et papa. Je cassais tout, papa réparait, maman pleurait, et je crevais les yeux du chat, et papa l'enterrait, et maman pleurait, et je poussais des grognements et des gémissements, et maman me prenait dans ses bras, et papa pleurait. J'étais vraiment l'idiote. L'idiote typique, avec les gamins qui attachaient mon pied au banc ou me cachaient dans les toilettes de la mairie. J'étais quand même l'idiote du village, avec mon sourire béat, à rester toute la journée dehors, sans bouger, avec cette mare de bave à mes pieds, et à rentrer pour casser ce que papa avait rafistolé et me blottir dans le giron de maman. Faut les comprendre, et je les comprends, mais je ne pouvais rien dire, mais rien de rien ne sortait. Typique pour une idiote de village, typique. Sauf quand maman m'a fait boire du terralène mélangé à de la grenadine et qu'enfin j'ai arrêté de respirer. Alors là, c'est venu d'un coup d'un seul, je me suis mise à parler que je ne m'arrête plus, mais bon, typique, ils vont dire. Typique pour l'idiote du village. Typique pour l'idiote du village, typique. Typique. Très tôt, j'eus une blessure dedans mon intérieur. Mais heureusement, je ne vécus que peu. Aux aguets du moindre son murmuré, des mots vociférés ou susurrés, des ressassements non taris, je marche. Et dans ma tête résonnent les paroles de ceux que j'ai connus, de ceux dont on m'a parlé, enfant, et qui entretiennent l'histoire de Morée sur Raguse, de ceux dont j'avais deviné l'existence, et tenter la reconstruction biographique autant par recoupement que par ce qu'on me taisait, de ceux, enfouis dans le siècle passé, qui n'ont laissé qu'une trace fragile dans la mémoire de la communauté, et tout cela qui m'emplissent, moi, l'oreille tendue vers leur bouche, de leurs mots. Et repose ainsi avec Rimet Édouard, Roche Yvonne, Rivière René, Barbin Jacqueline, Barbin Jean-Yves, Barbin Yvette, Bigot Aimé, Glaise François, Largui Marielle, Glaise Georges, Ribou Louisa, Levrault Henri, et d'or avec l'Espinasse Nicolas, Gras Félix, Le Tourne Richard, Michel, Blandin Michel, Martin, Benjamin, Rio Claudine, Delpla Evelyne, Mariette, Brunet Lucien, Ribrunet, Lazelle Pierrette, Dupont Evrault Régis, Massot Marie François, Brunet Roger, Barbin Jean-Jacqueline, Bon, Joséphine, Le Tourne Barbin Jean, Guiraud Alfred, Guiraud Anatole. Et gis ici avec Grandjean Henri-Christophe, Brunet, Mère Jeanne, Ronquet Sylvestre, Le Tourne, Jobard Marie-Gèze, Boutard Richard, Raoul, Benjamin, Reboul Guillaume, Reboul Marianne, Reboul, Anne-Marie, Brunet Lucien, Jacques, Brunet Mère Lucien, Georges, Coulondre Oscar, Isange. Et avec les délaissés, disparus, les abandonnés et ignorés, les oubliés et ceux qui, comme moi, sont tous morts. Thank you. La mastication des morts, de Patrick Kerman. Adaptation, Cécile Lafont. Avec Vincent Schmitt, Clara Noël, Morgane Néraud, Marie-Christine Horry, Francine Berger, Grégory Kidel, Patrice Bournand, Marie Daude, Philippe Lodenbach, Sylvie Labouna, Franck Hippin, Dominique Raymond, Olivier Claverie, Christine Arméni, Benoît Giros, Alain Rimoux, Jean-Claude Sachaud, Mathieu Létuvé, Mauricette Gourdon, Gilles Privat, Jean-Claude Frissoum, Philippe Dormois, Lara Brulle, Lisbeth Arasi-Mornay, Marie-Pierre Cazé, Garance Clavel, Robert Attizi, Jean-Michel Moulet, Philippe Potier, Pierre-Alain Chapuis, Jean-Gabriel Nordman, Arthur B. Gillette, Bernadette Le Sachet, Andréa Brusque, Antoine Béré-Roger, Kevin Garmicha, Loïc River, Antoine Reinhardt, Simon Fro, Simon-Pierre Boireau, Léo Rémaud, Johan Piquet, Olivier Piloni, Justin Blancard, Xavier Valéry Gauthier, Sylvain Levitte, Marie Sambourg, Priscille Cuche, Pauline Ziabé, Simon Guella, Yvan Cory, Kader Kada, Michel Frulli, Thomas Soliveres, Brice Hilleré, Simon Dacouche, Pauline Bell, Gabriel Dufay, Jacques Garcy, Francine Berger, Marjorie Delarquier, Philippe Frécon, Myriam Azenko, Clément Laguarde, Violaine Schwartz, Thomas Dahl, Laurent Poitrounot, Olivier Broche, Aline Lebert, Elsa Tauvron, Liliane Rover, Colette Marie, Georges Serre, Aurélie Musillard, Nita Klein, Leïla Lemaire, Antoine Boignon. Musique originale, Aurélien Bianco. Violon, Célia Triplet. Accordéon, Solène Rigaud. Chant, Marine Silf. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Laurence Courtois. Prise de son, montage, mixage, Bernard Laniel, Pierre Henry, Mathieu Nombeau-Poati. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Laure Egorov. La mastication des morts de Patrick Kerman est publiée aux éditions Lanceman.